Bonjour Marion. Bonjour Claude. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2022, chez moi, à côté de Saint-Goustan, dans notre petite ville d'Auray, dans le Morbihan. Aujourd'hui encore, Marion Le Pennec et moi allons faire suite à notre premier podcast du 19 mai 2022. Au cours de celui-ci, Marion, tu nous avais décrit ta formation et ton parcours artistique. Tu nous avais également parlé de ta peinture à l'encre de Chine et des éléments marquants qui t'avaient amené à cette discipline. Enfin, tu nous as décrit cette relation intime que tu entretenais avec ce matériau qu'est l'encre de Chine. En réécoutant ton podcast, Marion, j'ai vu poindre une certaine dose de spiritualité. Aussi nous est-il venu à l'esprit d'organiser un deuxième podcast, cette fois-ci orienté sur le thème l'art et la spiritualité. Marion, avant tout, peux-tu nous définir les mots art et pratiques artistiques et la spiritualité. Oui, alors, je peux en donner une définition qui est la mienne, évidemment. C'est peut-être pas celle que tu C'est celle-là trouveras qui dans le nous intéresse, c'est toi, dictionnaire. Marion, qui nous Voilà. intéresse. Donc, la spiritualité, pour moi, c'est la capacité à se percevoir comme étant un esprit faisant une expérience dans un corps physique. C'est-à-dire, si je déploie un petit peu ça, c'est être en conscience que je ne suis pas que ce corps et tout ce que j'ai expérimenté depuis la naissance de ce corps. Je ne suis pas cette personnalité. Enfin, je suis une partie de moi est cette personnalité et une autre part de moi, beaucoup plus subtile, secrète, est mon essence et donc la dimension spirituelle, la dimension oui, la dimension je dirais essentielle. Après avoir sillonné quelques sagesses ancestrales et pratiques spirituelles, aujourd'hui je perçois cette part-là, cet esprit, cette dimension de l'être comme étant directement relié à ce qu'on pourrait appeler le grand esprit. Les Amérindiens l'appellent comme ça, il a plein de noms. On a aussi utilisé Dieu, la source, la lumière, la vie, on pourrait dire la vie tout simplement, c'est tout voilà, la conscience suprême. Bref, cet espace cet espace ou cette force qui est à l'origine de tout ce qui existe. Et donc, voilà, si je suis en conscience d'être aussi un esprit, alors je suis en conscience que je fonctionne directement en lien avec cet espace-là, avec cette dimension-là. Et cette dimension-là, moi, je choisis de l'appeler le mystère. L'esprit, c'est pourquoi le mystère? Où la dimension de l'esprit est mystérieuse? Disons que je choisis ce mot-là aussi pour plusieurs raisons. D'une part parce que je trouve qu'effectivement c'est un mystère et je pense que c'est censé le rester pour partie, bien qu'on cherche à le comprendre et à le connaître sous plein de formes, dans différents chemins. Et aussi parce que je ne veux pas m'inscrire dans des traditions religieuses ou spirituelles. Dans lesquelles je suis allée puiser, mais je sais que si j'utilise Dieu, je vais charrier toute une compréhension qui n'est pas forcément celle que j'y mets moi. Donc, si j'utilise La conscience suprême, ça fait référence à d'autres voies, d'autres sagesses. Et donc, elle me semble, ce mot-là me semble plus ouvert, plus vierge et peut-être plus en lien avec l'espace artistique. Voilà, avec l'expérience vraiment artistique aussi. D'accord. Tu voulais nous parler de pratique artistique. Est-ce que tu peux corréler ce mystère avec les pratiques artistiques? Est-ce qu'il y a un lien qui te permet d'avancer dans cette voie? Oui, alors tu m'as demandé aussi de définir l'art et les pratiques artistiques. Oui, voilà, donc je... Profondément, ce que je vois émerger de plus en plus dans ma pratique, c'est que créer dans le champ de la peinture, particulièrement, mais en fait très largement c'est ça, c'est rendre visible l'invisible. Donc c'est ce que je nomme manifester ce mystère. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est vraiment un champ des pratiques humaines où on fait une expérience très singulière d'être en lien avec une dimension supérieure. Et l'objectif, le mien en tout cas, c'est que cette dimension supérieure, cet espace qui est un espace vibratoire principalement et qui est invisible, va pouvoir être visible ou audible ou perceptible par les sens. Et donc pour moi, les artistes viennent rendre visible, perceptible par les sens cet espace-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas la première à le dire, il y a évidemment eu beaucoup d'artistes à le nommer, notamment Picabia qui disait « Je ne peins pas ce que voient mes yeux, je peins ce que voit mon âme ». Il y avait Klee qui disait « Rendre visible l'invisible ». Picasso autrement l'a dit en disant on ne doit pas copier la nature mais créer comme elle, je ne sais plus exactement quelle était sa formule. Les peintres taoïstes aussi ont nommé ces choses-là en parlant de l'influx spirituel à recevoir et à mettre dans le pinceau en ayant le corps le plus adéquat et juste possible pour que le passage se fasse au plus juste. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là que l'art, c'est un espace de manifestation de cet espace, de cette dimension supérieure. Et donc c'est une manifestation matériel du mystère. Est-ce que si je vais voir tes toiles, je vais trouver le mystère sur tes toiles avec une traduction spirituelle de la démarche? Juste pour clarifier le mot mystère, hein, oui. Que tu positionnes entre l'esprit et l'art, quoi. Hein? Non, j'ai mal compris. Oui, c'est ça. Tu m'as demandé tout à l'heure quelle était la différence entre l'esprit et le mystère. Évidemment, c'est pas exactement la même chose. Je dirais que le mystère, c'est l'espace dans lequel mon esprit habite. C'est-à-dire que la part de moi qui n'est pas dans la matière est et vient et est d'une nature profondément mystérieuse, mais aussi d'une nature qui existe. Qui préexiste. Qui préexiste. C'est pas grave. Bon. J'ai le sentiment qu'il y a des questions au début que tu m'as exprimé. Et en fait, je n'ai pas répondu directement à la question. On s'est un peu emmêlé dans toutes les... Oui, oui, non, je te pose une question. Qu'est-ce que, quelle définition tu donnes au mot art et pratique artistique et spiritualité? Voilà. Pratique artistique, je n'ai pas encore dit... Oui, voilà. Et tu as commencé par la spiritualité. Alors que moi, je te proposais l'art. Ah, d'accord. Bon. Comment on va s'y prendre? Et tu te sens d'attaque pour redéfinir ça? Oui. Bon, oui. Écoute. Tu veux dire que tu reposes la question et je redéploie tout depuis le début? Oui, on va recommencer la première question. Je ne sais pas si c'est facile à faire ça, mais je veux bien essayer. Ah non, mais il faut que tu sois à l'aise. Si tu veux, qu'est-ce qui est venu, comment dirais-je, contrecarrer tout ça, c'est que tu as introduit le mystère. Le mystère qui est une autre dimension entre ta pratique artistique et ta spiritualité. Et là, à l'instant, tu venais de me dire que le mystère, c'était l'état dans lequel, je te dis ce que j'ai compris, que c'était l'état dans lequel tu étais lorsque, le mystère, c'est l'état dans lequel tu es, dans ta dimension spirituelle, c'est ça que tu viens de me dire, dans ce que j'ai compris, le mystère, c'est l'état dans lequel tu es dans ta dimension spirituelle. Voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est ça? Alors, moi, j'ai dû pas bien... Non, c'est pas exactement ça. En fait, j'utilise le mot mystère pour nommer ce qui est... Pour dire Dieu, en fait. Tu vois? Pour dire... pour dire l'espace de... Pour dire la force de vie qui est profondément mystérieuse, pour dire Dieu qui reste un mystère, pour dire la conscience suprême qui reste aussi un mystère. C'est-à-dire, c'est un mot que je vais utiliser qui correspond d'autant plus à l'espace artistique quand je me situe en tant que peintre et que je vais en connexion avec cette dimension-là. C'est un mot qui me semble complètement aller de soi. Et en même temps, c'est sûr qu'il amène une autre dimension. Mais c'est aussi principalement pour éviter de dire Dieu ou pour éviter de dire d'autres... Je pourrais dire l'esprit, c'est assez neutre finalement. Mais c'est vrai que... L'esprit, c'est assez neutre. C'est une vision poétique un peu de la chose. Voilà, c'est ça en fait. Le mystère, c'est une vision poétique. De l'esprit. Le mystère est une vision poétique de l'esprit. Et pourquoi il y a le mot poétique pour raccorder ça avec ta dimension artistique? Non, poétique pour dire que c'est une approche, c'est une façon de nommer quelque chose qui est depuis un ressenti profond. Depuis quelque chose de d'en même temps absolument singulier. Et je pense que quand on descend dans le singulier, dans l'intime, on va toucher l'universel. Et donc, ça me semble en même temps très singulier au sens où c'est la façon dont quand je me raccorde à cette dimension-là, ça vibre à l'intérieur de moi. La façon dont je me mets en lien, ce qui se passe au niveau émotionnel, physique, vibratoire, quand je me mets en lien avec cet espace-là pour le transmettre dans la matière. Il y a quelque chose de ça. Et donc, c'est pour ça que je dis poétique, c'est-à-dire que c'est à partir d'un ressenti un peu lui-même mystérieux. D'un ressenti. Je ne suis pas quelqu'un qui a pratiqué des voies spirituelles de façon très approfondie et qui va pouvoir parler de l'esprit dans toutes les directions, tu vois. Je suis plus à vouloir témoigner de quelque chose en tant qu'artiste. Et à cet endroit-là, je pense que j'ai envie de nommer comment l'artiste en moi vit l'esprit. Et je le vis comme étant le mystère. C'est ton travail artistique. Et toi, tu le vis comme étant le mystère. Bon. Du moins, je le nomme comme ça. C'est un mot qui correspond un peu au ressenti que j'ai quand je me mets en lien avec cette dimension-là. Oui, mais alors tu le nommes pour qui ? Pour toi, pour les autres, pour qui ? Eh bien, je pense que de l'utiliser, d'utiliser ce mot-là plutôt que Dieu, par exemple, ça permet d'écarter, ça permet d'ouvrir un nouveau champ et de petit à petit redéfinir une nouvelle relation. En même temps, si je dis Dieu, je sais que des personnes qui ont eu un cheminement religieux, qui ont reçu un enseignement catholique ou voilà, vont tout de suite s'inscrire dans une vision bien spécifique. Et moi, je me situe pas à cet endroit. Tu veux pas t'enfermer là-dedans. Voilà. D'accord. Et en même temps, je pense que d'une part, ça correspond à ma réalité, puisque je n'ai pas eu d'enseignement religieux, j'ai découvert ça en même temps sur le tard et en même temps en croisant tout un tas d'approches, donc ça a été nommé de plein de façons différentes, et je ne m'inscris pas dans une lignée plus qu'une autre, donc c'est un mot qui émerge pour pouvoir nommer un ressenti qui est unique et qui aussi permet pour moi de commencer à préciser comment je définis ce mot-là, comment je l'habite plutôt que je le définis, comment qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ce mot mystère, et du coup ouvrir des portes, ouvrir une porte nouvelle sur une réalité qui peut être appréhendée sans charrier des vieilles perception, tu vois, des vieilles définitions. Bon, c'est un outil de communication, ce mystère, qui te permet de ne pas t'enfermer ni d'enfermer ton auditoire dans une logique de religion classique ou autre schéma un peu conventionnel. C'est bien ça ? C'est ça. Bon. Et en même temps, comme je te disais, ça, c'est une façon poétique de définir cet espace-là. D'accord. Bon, alors... Voilà. On recommence ? Oui. T'es prêt ? Marion, avant tout, peux-tu nous définir les mots art et pratique artistique et spiritualité ? Alors, l'art. L'art, pour moi, c'est une pratique où je mets l'esprit dans la matière. Excuse-moi, mais en fait, je crois que c'est pour ça que je préfère définir spiritualité d'abord. C'est parce que je définis dans un premier temps l'esprit, et ensuite, c'est plus clair quand je vais parler d'art. Commençons par l'esprit. Tu peux reposer la question on continue comme ça, c'est bien. D'accord. Tu préfères qu'on recommence ? Comme tu veux. Juste pour... Bon, alors ça c'est le clap numéro... 45. Bon, alors je vais te poser la question un peu différemment. D'accord. Je vais te demander de nous définir la spiritualité, l'art et les pratiques artistiques. Oui. Dans cet ordre-là. D'accord, hein? Très bien. Comme ça tu pourras ensemencer la matière. Voilà. C'est très bien. Okay. Parce que c'est ça, la vraie bonne définition... de l'esprit, c'est quand le spirituel vient influer sur le matériel et par l'ensemencement de la matière. Hein, c'est l'esprit qui influe. Mmh. Rappelle-toi, on en avait parlé l'autre fois à travers la Pentecôte chez les apôtres, hein, où Dieu avait envoyé des petites flammes pour réveiller un peu la boîte à fumée de ces tout apôtres. À fait. Hein? Ouais, Allez, on repart. Ok. Donc, clap numéro 46. Marion, avant tout, peux-tu nous définir les mots spiritualité, les mots art et également pratique artistique ? Oui, alors la spiritualité. Donc je vais en donner une définition qui est mon vécu. Évidemment que je ne parlerai que d'un chemin qui a été fait d'expérience principalement, parce que si j'ai pu aborder pas mal de sagesse ancestrale et de différentes voies spirituelles, je n'ai plongé dans aucune de façon unique. Mais et c'est donc, ton expérience qui nous intéresse. Voilà, tout à fait. Alors, dis-nous. Et donc la spiritualité pour moi, c'est la capacité qu'a l'humain de se percevoir un esprit qui vient faire une expérience dans la matière. Donc c'est une capacité, une conscience d'être un corps, depuis la naissance jusqu'à la mort, mais pas que, d'être également une part qui n'est pas dans la matière, qui est donc spirituelle, et qui préexiste et qui continue après, et qui a sa vie propre, qui a une... et qui aussi est la part de moi qui est une parcelle du grand esprit, donc une espèce d'étincelle divine. Et donc je sens émerger de plus en plus un intérêt profond à écouter cette dimension-là pour faire l'un entre ma dimension physique, mon humanité, et la part spirituelle, la part qui est plus divine. Voilà. Et donc, n'oubliez personne. Donc, en fin de compte, c'est l'esprit, c'est ton esprit qui va ensemencer ta propre matière. Ou est-ce qu'on est dans un contexte plus général, parce que n'oublions pas que ce qui nous intéresse aussi, c'est la dimension artistique à tout ça. Non, on arrête, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que si tu veux... On arrive plus tard, on arrive à ce qu'on doit dire plus tard. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, donc, ce que je propose là, alors... Mmh. On va laisser ça de côté, c'est pas très grave. Hein. On laisse ça de côté, et puis il faut que tu architectures bien toute ta propre démarche initiatique, parce que c'est un peu la question numéro 4, hein, processus initiatique dans ce cheminement. Donc, si on n'est pas très très clair là-dessus, c'est que on ne va pas être compris. Alors, ce que je te propose pour aujourd'hui, on va laisser de côté le podcast. Ouais. Hein, et par contre, on va bien, je voudrais t'aider à architecturer tes réponses. C'est pas les faire à ta place, mais c'est te dire, voilà, il faut commencer là, puis après il y a ça, et puis après il y a ça. Et quand l'esprit va féconder la matière, c'est là où tout se passe. Bon, mais cet esprit va féconder la matière, pourquoi ? Quid de ta... comment dirais-je, de ta démarche artistique dans tout ça. Tu comprends qu'il y a une succession de choses à bien mettre en place pour être bien compris, quoi, toi. Oui, ben, écoute, c'est ce que j'ai essayé de faire et je pense que c'est clair sur le papier, mais après, je vois que le... C'était clair sur le papier, ça serait clair dans ta tête. Bah, pas forcément, parce que en fait, c'est clair dans ma tête, si tu veux. Par contre, je ressens toujours cette espèce de crainte à l'idée du fait de parler de spiritualité. Suis dedans là, tu vois, donc oui, je vois bien que ma parole, c'est beaucoup plus tranquille que à la fin, quand on a commencé à l'aborder à la fin du premier podcast. mais c'est pas complètement. Alors, voilà. On va. Je continue l'enregistrement, ça peut toujours être utile après. Je voudrais t'aider, justement. Là, tu viens vraiment de définir ta difficulté, si tu veux. Tu as du mal à parler de l'esprit. Hein. J'ai du mal, mais pas parce que je ne le connais pas, mais parce que je sens que je ne suis pas légitime, tu sais. Ah oui, non, mais alors là, tu ne seras jamais légitime. Hein. Oui, ça c'est vrai. Qui peut se dire qu'il est légitime pour parler de tous ces mystes et autres? Non, personne n'est légitime ça. Oui. Mais on a un vécu. Ce vécu, il correspond à des étapes successives de ta vie qui aujourd'hui, il nous faut bien... on va faire une carte et on va mettre bon ordre dans tout ça. D'accord ? Bon. Alors, ce que je te propose, et c'est ça qui est intéressant, parce que si je te demandais de bien définir les mots esprit, les mots art, etc., c'est que déjà, je sentais que tu n'étais pas très à l'aise là-dedans, mais en lisant ton texte, alors là, c'est pour ça que je te dis mes bonheurs là-dedans, parce qu'en lisant ton texte, j'ai vu que, bon, c'est... Bon. Et pourtant, tu as cette intuition en toi qui te permet de rendre les choses... tu m'as dit, et ça m'a surpris quand tu m'as dit ça, mais tu as... C'est ton vécu. Voilà, hein. Les artistes ne parlent jamais de spiritualité. C'est bien ça. Tu m'as bien dit ça, j'ai bien entendu ça. Ouais. Bon, alors moi, ça m'a vraiment frappé, ça, parce que, bon, le monde artistique, je ne le connais pas bien, mais les grands artistes, je sens poindre chez eux une grande spiritualité. Je parle des gens bon, que je connais, quoi. Et c'est cette spiritualité-là qui va se traduire sur la toile, si tu veux. Rappelle-toi ce que je te proposais podcast numéro 2, numéro 3, hein, oui. C'est où est la spiritualité dans tes toiles. Oui, mais alors justement, quand tu me dis ça, j'ai du mal à... je me doute bien. Où est la spiritualité dans tes toiles? C'est vrai que ça me... Alors, cela dit, tu veux que je te dise ce que j'ai répondu à cette question ou pas, non? Ah non. À moins que tu sois sûr de ta réponse. Oui, lis. Ben, c'est un début, c'est-à-dire que j'ai évidemment des réponses, mais quand tu formules la question de cette manière-là, il y a comme quelque chose de... Ça m'est difficile de répondre... Et pourtant, c'est peut-être moi qui te l'ai proposé. Hein. Tu m'as dit quelles sont les étapes marquantes. Non, c'est pas ça. Ma position pour expliquer comment l'art et la spiritualité sont intimement liés, bon, et indissociables, bon, ça, c'est... c'était quoi ta question? Elle était à la fin. Mais il y avait le processus initiatique. C'est la dernière question, le processus initiatique. Et là, je pense que tu aurais beaucoup de mal à répondre à ça aujourd'hui, parce qu'un processus initiatique, c'est codifié par, je dirais, différentes étapes, différents rites de passage. Entendu parler déjà de la... Oui, bien sûr, mais il y a des processus initiatiques qui sont structurés par l'humain, et il y en a d'autres qui sont proposés par la vie, et ça suit plus ou moins... La vie, c'est humain, non? Bah, pas que. Enfin, quand je dis la vie, c'est Dieu, en fait. Tu remontes à ton divan. Mystère, d'accord. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, c'est pas que humain. C'est plus grand que, quand je dis la vie, c'est avec un grand V, tu vois. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que des processus, j'ai l'impression que la vie est un processus initiatique. Et que la structure que les hommes proposent... La vie n'est pas un processus initiatique, la vie est une initiation. C'est quoi la différence? Un processus initiatique, c'est quelque chose qui est codifié. Ça commence par A, puis ça passe à B, à C et à D. Voilà. Tu peux avoir des processus initiatiques où tu vas faire mourir au profane un individu. Étape numéro 1, on fait mourir. Bon. Comment il le vit, etc. Parce que c'est pas toujours très simple de mourir. Hein. Mmh. Et après, comment on va le faire renaître à une autre dimension. Hein. Et... Comment on va lui faire, on va lui permettre de monter cette marche, si tu veux, dans lequel cette marche dans lequel il va, cet individu, grandir. Mais grandir pour soi, mais grandir pour les autres. On ne grandit rarement que pour soi, on ne grandit qu'à travers les autres. C'est rare, quoi. Donc, revenons à notre... Qu'est-ce que tu appelles mourir au profane ? Mourir au profane, eh bien, c'est dans un processus, dans un rite initiatique. Mmh. On va faire mourir au profane la personne qui est là, qui est de chair, etc. Et on va la tuer initiatiquement pour la faire renaître dans un autre état. Donc, lui faire vivre une espèce de mort symbolique. C'est une mort symbolique, mais c'est une renaissance symbolique aussi. Bien sûr. Hein? Et pourtant, c'est le même individu qui va être là à l'alpha et à l'oméga. Mmh. T'as vécu ça, toi ? Oui. Tu voudrais en dire plus ou c'est... Ça viendra. Ouais. Non, mais si tu veux... Je suis curieuse. Mais bien sûr, j'accepte de me livrer, d'ailleurs. J'ai largement commencé... Mais ce qui est important, c'est qu'on grandisse ensemble, si tu veux. Bien sûr, hein? Oui, j'apprends beaucoup. Parce que s'il y a trop de décalage, ben, ça ne marche pas, notre truc. Mm-hmm. Hein? Donc, l'idée, si tu veux, donc, on en revient à cette segmentation dont on parlait. L'individu meurt au profane pour rentrer... Dans un rite sacré quelconque qui va le faire grandir à travers différentes étapes. Les grandes étapes, tu les connais, c'est l'air, l'eau, le feu, etc. Quoi. Oui, d'accord. Ouais, tu comprends ? Non, mais oui, je suis surtout en train de comprendre autre chose, je crois. Quoi ? Mmh. C'est-à-dire ? Vas-y, je vais te dire. Vas-y, dis-moi. je crois que... Ce que tu as nommé, là, c'est pour ça que ça m'a interpellée, mourir au profane et renaître à un niveau plus conscient. Eh bien, je crois que je me demande si ce n'est pas ce que je suis en train de traverser depuis 2 ans. C'est-à-dire que même si, bien que ça soit présent depuis un moment en moi, le fait que la spiritualité et l'art étaient complètement mélangés, etc., il y a une part que je n'assume pas et que je ne revendique pas et dans laquelle je n'ose pas aller en décidant que c'est ça. Tu vois, c'est comme si j'avais commencé à peindre d'une façon un peu profane, comme tu dis, et puis avec l'encre de Chine, il y a quelque chose qui a émergé qui, pas que avec l'encre, hein, dès le début, avec tous les matériaux, mais quelque chose a émergé de l'ordre de « Attends, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas juste apprendre une technique ou créer quelque chose pour faire du beau, quoi. Non, non, enfin, pour faire du beau, déjà. Qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois ? Et petit à petit, c'est comme s'il y avait l'artiste qui allait dans... Vas-y. Et ben, au contact de ce que c'est profondément pour moi, c'est-à-dire, même quand je le dis ça, j'ai l'impression de ne pas encore complètement... je crois que je l'incarne déjà, je crois que je le vis déjà, mais c'est comme s'il y avait une part de moi qui n'avait pas encore complètement fait l'initiation suffisamment pour pouvoir dire oui, c'est exactement ça que je fais. C'est alors, exactement ça qui est en train de se passer. C'est ça. Tu es en train, petit à petit, à ta façon, j'allais dire, de briques et de broc. Ne note rien. De briques et de broc, tu es en train de t'auto-initier, si tu veux. Mm. Bon. Mais comme c'est de briques et de broc, c'est un peu chaotique. Et tu ne peux pas te revendiquer de celle qui a compris et qui a été initiée. Intérieurement, je sens que j'ai fait cette expérience. Mais quand je le dis, il y a une part de moi qui dit « Non, tu dis pas. » Pourquoi tu dis pas ? Je t'en ai dit. Si tu l'as dit, si tu penses l'avoir fait, cette expérience, tu l'as peut-être faite. Mais je l'ai fait plein de fois, en fait. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'en même temps... Oui, vas-y. Peut-être qu'à chacune de tes toiles, tu la renouvelles. Peut-être pas, mais bon, c'est quelque. Tu dis, je l'ai fait plein de fois, donc c'est quelque chose qui t'est familier. Mais c'est une découverte nouvelle à chaque fois. C'est ça, qui peut ne pas se faire aussi. Et qui peut ne pas se faire. Pourquoi elle ne se fait pas forcément ? Eh bien, parce que le processus n'est pas complètement maîtrisé. Si il peut être complètement maîtrisé, ce qui n'est pas toujours vécu, une évidence. Donc, tu vois, c'est bien ça. Tu vois, là, on grandit. On voit que le monde de l'esprit ne nous est pas familier comme ça, ex nihilo. Que le monde de l'esprit, il s'apprend. Que le changement d'état, eh bien, ça doit se vivre, ça doit s'apprendre. Et regarde bien un petit peu toutes ces grandes initiations qui se font... Dans des tas de domaines où il y a des rituels qu'il faut avoir vécu, soit que l'on t'ait expliqué, que l'on t'ait accompagné dans ces rituels pour te permettre de grandir et de changer d'état, si tu veux. Mais ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, ce truc-là. Si, peut-être, justement. Non. Non, tu ne crois pas. Non, je ne le pense pas. Quand on voit les outils qui sont mis à la disposition, des outils éprouvés, quoi, pas un truc qui est sorti comme ça, la tronche d'un mec au coin d'une feuille le soir avant de s'endormir, quoi. C'est... Non. Je voulais prendre le mot quand tu dis « ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit oui. ». Je pense que, littéralement parlant, si, ça se fait. C'est-à-dire que l'initiation, elle est avant tout à cet endroit-là. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est complètement vierge et qui est prêt à recevoir, à être complètement ensemencé par le divin, pour moi. Oui. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on est constamment initié, si on est dans cette... Les processus initiatiques... Les apôtres étaient prêts. Les apôtres, lorsqu'ils ont vécu ça, ont vécu un choc traumatique extraordinaire, qui est la mort du Christ. Si tu veux, ils étaient complètement... ils ne savaient plus où ils habitaient les uns les autres. Et ce Christ disparaît pour renaître en position du jardinier, du jardin de machin chose, là, etc., etc., quoi. Bon, donc là, tu as encore un changement d'état, hein. Le Christ est mort, il ressuscite, mais il ressuscite pas en tant qu'humain, mais il ressuscite en tant qu'esprit, pour venir dans un jardin. Un jardin, c'est quand même assez symbolique, derrière ça, hein. Voilà. Bon, donc... Tu vois bien qu'à travers ces questions-là, il faut bien les comprendre, il faut qu'elles soient bien expliquées et qu'elles soient surtout très claires en soi, si tu veux. Ces étapes-là, tu me dis que tu les as vécues dans ta... je les ai vécues, mais je peux les perdre. Je les ai reperdues tout autant, tu vois. C'est ça pas se encore... perd pas, ça. Et ça ben... se perd pas. Si tu l'as vécu, tu as toujours cette intuition qui est là. Non, parce que j'ai aussi des tas de doutes. J'ai aussi l'humanité en moi qui dit « Ah oui, mais est-ce que tu es sûr, monsieur ?» Non, mais attends, je veux dire, il y en a des blablas qui disent que non, c'est pas ça. Si tu veux, quand je te dis « je peux le perdre », c'est-à-dire que je peux aller peindre avec plein d'autres... En fait, il faut que je sois en résidence pour vraiment être dans cette dimension-là. Ça, j'ai compris. Et voilà. Et là, ça, il se passe des choses... Ça, j'ai compris qu'il faut que tu sois complètement enveloppé dans un cocon qui va... Et te... dédié. Hein? Pardon. Oui, oui. Consacré. Non, c'est ça. Consacré c'est ça. À ça. Consacré. Consacré. Consacré. Consacré. Consacré. Sacré. Tout à fait. Avec. Ouais. Avec le sacré. Avec aussi. Le sacré. Mmh. Donc, mmh. Alors, attends... Ouais, c'est ça. Ça s'éclaircit là un petit peu. Alors, je regarde un petit peu l'idée là maintenant. Bon, on a abandonné le podcast et l'idée c'est de t'apporter des clés de réponse aux questions que je te pose. Mais ces questions-là, elles sont là aujourd'hui, mais elles peuvent être autres demain. L'avantage de ça, c'est que on partait dans un cheminement qui pouvait être compris plus facilement de l'autre qui va t'écouter. Mais on comprend bien aussi qu'on n'est pas dans des domaines, je dirais, du quotidien que l'on a appris, codifié et clairement maîtrisé. Donc c'est pour ça que l'autre, il doit avoir un cheminement immédiatement compréhensible. Oui, oui, pourquoi l'autre, tu veux dire. Eh ben, parce que j'essayais de percevoir ce que tu me disais, c'est-à-dire l'autre, le public, oui. Doit sentir que c'est clair en moi. C'est oui, ça oui, ouais, il, faut, ouais. Il faut qu'il sente sûr. Que ça soit clair. Et si ce n'est pas suffisamment clair, je suis là pour t'aider à mieux maîtriser ta pensée. Mais en même temps, ça ne peut pas se faire pendant le podcast, ben la clarification. Quoi. C'est voilà, pour ça que... La clarification, elle doit se faire avant. Oh, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, peux-tu nous expliquer comment l'art et la spiritualité sont intimement liés et indissociables? En deux mots, là, quelle réponse t'apportes là? Alors, eh bien, en fait, à partir du moment... Quand je définis art au départ... Je donne déjà la réponse. C'est pour ça que j'étais embêtée aussi avec ces deux questions qui posent deux fois une question à laquelle... Alors après, j'ai déployé un petit peu l'idée, mais c'est vraiment l'idée de féconder la matière, c'est-à-dire de se faire un espace de réception, de se mettre au service, de se mettre à l'écoute et de recevoir... la dimension supérieure en nous, de se mettre en connexion avec le plus haut, pour que dans la matière, quelque chose soit révélé, quelque chose soit montré du mystère, de Dieu, de la vie, etc., pour que l'humanité puisse être en lien ensuite, ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, avec ces plans-là. Donc pour moi, c'est indissociable parce que c'est la définition de l'art. Donc à partir du moment où je définis l'art, je donne cette réponse aussi, tu vois. Donc c'est vrai que ces deux questions-là... Tu dis que tu sais la définition de l'art. Fais-moi une phrase en me disant quelle est ta définition de l'art à partir de... L'art, c'est un champ d'activité humaine où celui qui pratique, l'humain qui pratique, que ce soit de façon professionnelle pour les artistes ou amateur pour ceux qui sont dans des pratiques artistiques, celui qui pratique va se mettre... est censé se mettre et capter une dimension supérieure pour la rendre perceptible, la manifester dans la matière, pour la rendre visible, audible et perceptible par les sens. D'accord. Voilà, pour moi c'est ça. L'art, c'est cet endroit-là. C'est-à-dire D'accord. que quelque part, et c'est évidemment avec le corps que l'on va témoigner de cette chose-là, là où, par exemple, le chaman et le prêtre, qu'on pourrait dire à un endroit assez similaire finalement, vont avoir d'autres voies de transmission. Ils sont intercesseurs, mais ils vont transmettre ça d'une manière soit verbale, soit énergétique, avec le travail, avec le tambour et toutes les prières, etc. Et l'artiste, pour moi, il peut être dans cet espace qui est un espace de prière, mais qui est de prière au sens de reliance avec le tout, Dieu, la lumière, la conscience, etc. Et en tout cas, là, la spécificité, c'est que ça va être perceptible, j'allais dire par le corps sensible, mais en fait, de toute façon, on perçoit tout par le corps sensible. donc, c'est pas exactement ça la spécificité de l'art. La spécificité de l'art, c'est que je crois que c'est que il s'agit d'aller capter cette vibration supérieure et de maîtriser une technique, que ce soit vocale, plastique, corporelle, etc., pour que cette vibration descende au plus juste à travers notre corps, et que ces ondes vibratoires soient les plus pures quand ils arrivent dans la matière, tu vois, et que quand c'est mis sur la toile, c'est ce niveau vibratoire là qui est passé dans la matière, que quand c'est chanté, c'est ce niveau vibratoire supérieur qui est passé dans la matière, etc., quand c'est dansé, que ce soit ça, et que la technique, elle est là, elle est dans comment je maîtrise mon corps et tous les différents moyens que mon corps dont mon corps est doté, comment je maîtrise ces moyens et mon corps pour faire en sorte que cette intensité soit toujours présente sur le plan de la matière. Voilà. Comme ça que tu vois, je sais. Voilà. Merci. D'accord. Cet exercice-là, ça serait bien si tu le renouvelais sur le papier, non pas sur l'ordi. Parce qu'il y a quand même quelque chose, je ne sais pas à toi que je vais l'apprendre. Pour passer de l'esprit à la matière, passons par. Des choses qui fonctionnent et que l'on maîtrise. Toi, tu maîtrises bien tes mains, tu maîtrises bien tes pinceaux, donc essaye de traduire tes pensées à la plume. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais, si tu veux. Moi, je vais de la plume à l'ordi. Mais d'abord la plume. Pourquoi ? Parce que la main, c'est le meilleur trait qui existe, le meilleur lien qui existe entre moi et mon esprit, si tu veux. Je suis d'accord, évidemment. Voilà. Alors que ça, c'est un bloc-notes. Lorsque tu veux définir une idée, qui est un peu complexe, et on voit, tu vois quand même quelque chose que tu pratiques, je dirais quasi quotidiennement, tu vois la difficulté que l'on peut avoir à la traduire, cette idée-là, avec des mots, alors que toi, tu la traduis avec des images, avec des signes, hein, mais pas forcément des mots. Et je pense que les mots viendront mieux si tu commences à la main. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu serais d'accord de m'envoyer l'enregistrement Bien sûr. C'est pour ça que je vais essayer de le faire sans écouter, et après j'écouterai pour voir si c'est un outil. Ça, c'est la même chose que ça. Que ça, avec ça, tu peux communiquer plus facilement avec les autres. Alors, quelles sont les étapes personnelles marquantes qui t'ont permis de faire émerger la spiritualité dans ta propre démarche initiative? Je continue à remuer le fer dans la plaine. Dans ma propre démarche initiatique ou artistique? Oui, quelles sont les étapes personnelles marquantes qui t'ont permis de faire émerger la spiritualité dans ta propre démarche artistique? Artistique. J'ai pas dit artistique. T'as dit initiatique. C'est pour ça que je me disais, j'ai peut-être pas compris. Artistique. D'accord. Alors, ce que ce que j'ai recensé, il y avait des choses que j'avais déjà mis dans cette espèce de texte pêle-mêle que je t'ai envoyé. C'est déjà cette question qui a émergé très tôt, j'ai le souvenir au niveau de mes études, sur qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que l'amour? Cette question essentielle. Donc ça, voilà. Ensuite, je pense qu'il y a aussi ce qui a émergé tout au long de cette thérapie que j'ai fait, notamment autour de l'opération autour de ma naissance. Là, il y a eu vraiment des clés de compréhension, et notamment des clés de compréhension sur qu'est-ce que c'est que l'humanité, en fait. Voilà. Et donc, c'est cette femme dont je t'ai parlé, Ghislaine, qui pratiquait la spiritualité de l'amour, comme tu disais, et qui m'a énormément enseignée, et qui a ouvert vraiment cette porte-là, réouvert, parce que j'avais tendance à la refaire. Comment elle t'a enseigné, ça? Ou comment vous avez échangé? Bah en fait, c'était des séances très particulières. Avant ça, j'avais fait psychothérapie, psychanalyse. Alors là, rien n'avançait. Et puis, avec elle, c'était vibratoire. C'est-à-dire qu'elle elle arrivait, on parlait. Et pendant la séance, déjà, il se passait des trucs. C'est-à-dire ce qu'elle me parlait, pour moi, c'est ce que je viens de nommer tout ça, avec l'art, tu vois. C'est-à-dire... c'est qu'elle est, c'était une femme qui est vraiment pleine d'amour. Et donc, quand elle parle avec cet élan-là. Et donc, non seulement elle parle avec cet élan-là, mais en plus, elle a vraiment tout un cheminement et des compétences réelles. Elle a fait plein de formations sur la question de la spiritualité, qui englobe peut-être toutes les autres questions, en tout cas... ce que c'est que l'humain, ce que c'est que la souffrance, ce que c'est que l'identification, enfin tout ça, tu vois. Donc, d'une certaine manière, c'était un maître spirituel pour moi, hein, en fait. Je ne l'ai jamais identifié comme ça, mais c'en est un, une. Et donc, pendant qu'elle me parlait, je notais plein de choses. Et puis, elle me disait, mais ça ne sert à rien de noter, ça œuvre. C'était sa formule. Complètement. Et à la fin, c'est ce que je te disais pendant la semaine, il se passait plein de trucs. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. À un moment donné, je te l'ai dit, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ces étapes personnelles, marquantes... Je peux terminer. Là, tu m'as parlé des étapes marquantes, mais alors, j'ai pas tout dit. J'ai pas terminé, en fait. Ouais. Donc il y a eu Ghislaine, il y a eu aussi les retrouvailles avec l'encre qui pour moi ont vraiment été... Donc alors Ghislaine m'a transmis au Ho'oponopono, et donc évidemment ça c'est une pratique parallèle, mais tout a commencé quand même à ce moment-là. Et donc l'encre, c'est là où il s'agit d'une initiation vraiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec l'encre, j'avais le sentiment que j'étais dans un espace de magie, en fait. Il y avait d'abord un plaisir et une espèce de légèreté, de fluidité, d'évidence, de joie et d'évidence. Tu vois, évidence que quand je fais ça, rien ne manque, tout est là. Ouais. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis la magie, c'est l'âme qui agit, tu vois, c'était vraiment ça. C'était un espace de reliance profonde et de simplicité, voilà. Et j'ai pu percevoir petit à petit que l'encre m'enseignait vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, c'était facile, c'était évident. Et puis, il y a des moments où je perdais ça. Ah, pourquoi? Et puis, il y a eu cet événement où j'ai voulu reproduire un petit format en grand, et là j'y arrivais pas, parce qu'évidemment reproduire, copier, ça ne marche pas. Il faut toujours que ce soit nouveau et toujours que ce soit à partir de l'esprit, pas à partir d'une matière déjà existante. Enfin, je peux m'inspirer de l'arbre, mais je vais aller chercher l'esprit de l'arbre pour le peindre, pas une forme déjà là, enfin. Et bref, il y a eu ce moment là où j'ai dû, ça c'était un moment marquant. Mais je l'avais déjà raconté, je crois, au premier. tu sais. Non. Vas-y. Bah, en fait, j'avais une petite peinture que je trouvais vraiment chouette. Je me suis dit, je vais la faire en 100 par 140. Une petite que tu avais faite toi. D'accord. Et tu as voulu reproduire en plus grand format. Voilà. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. J'étais au bout d'un moment face à... j'ai perdu le support là. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit... Et vraiment, je me souviens très bien de ce moment-là. Je me suis dit, quitte à ce qu'il soit perdu, autant y aller. Donc j'ai pris du noir. Jusque-là, je ne travaillais pas avec une grande surface de noir. Il n'y avait pas de... Enfin, cela dit, il y avait quelques... Mais en tout cas, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tout barbouiller. Et j'ai commencé à remplir avec beaucoup de noir. Et en fait, à émerger un tableau quand il a été terminé, j'ai été surprise d'avoir enfanté de ça. En fait, je me suis dit, mais c'est... qui a peint, quoi? Et parce que pour moi, il était très fort et que c'est pas que ce que j'avais fait jusque-là n'était pas fort, mais c'est que tout d'un coup, je faisais l'expérience que si je voulais peindre avec mon vouloir, avec mon mental, je vais faire ça parce que ça va bien marcher, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu grandis de toile en toile? C'est l'élan, c'est l'envie. Mais je peux perdre. C'est pour ça que je te disais, c'est pas acquis là ces derniers temps, et ça je le dirais peut-être pas trop, je sais pas, enfin si. Mais ces derniers temps, je suis avec tellement de doutes, et j'ai pas eu beaucoup d'espace de résidence où j'ai plongé, j'ai fait une résidence, mais c'était plus créer la structure pour aller dans les rivières et tout. Et j'ai pas encore commencé à peindre avec ce grand truc, tu vois, et je vois, j'y pense tous les jours. Bref, je perds, ou je peux perdre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pour ça que je dis c'est un art de l'instant. C'est est-ce que là, maintenant, je suis complètement décidée à ne pas chercher à me raccrocher aux branches, à ne pas chercher à vouloir faire du beau, à vouloir faire une belle peinture, à vouloir faire de l'argent parce que j'en ai besoin et du coup il faut que je fasse des peintures. Non, si je suis dans cette démarche-là, ça va être beaucoup moins puissant pour moi et en termes d'œuvres plastiques aussi, que si j'ose vraiment ne pas savoir, si j'ose aller à l'inconnu, si j'ose en toute humilité me mettre au service du divin. Donc je dis humilité divin, tu vois, vraiment ce truc de ce qui semble opposé, mais ça tu vois. Comment ça? C'est une initiation, hein. C'est le lâcher prise. Oui, c'est au-delà du lâcher prise pour moi. Plus ça va, plus je vois qu'on va faire complètement autre chose. Mais bon, je te raconterai. Le lâcher prise est cet instant que l'on va appeler le ici et maintenant, pendant lequel tu vas t'abandonner complètement pour t'offrir, c'est ça. Pour t'offrir en partage à ton œuvre. C'est ça. Et ça, c'est un processus initiatique comme un autre. Donc à chaque fois il faut que ça fonctionne et il faut que tu sois dans une telle disponibilité d'esprit que tu puisses t'abandonner à ton ouvrage. C'est ce que tu as voulu faire à un moment donné quand tu t'es plaqué sur ton corps nu, toute ta peinture. Tu t'es abandonné. Tu t'es livré à ton encre et à ton papier. Tu t'es offert en partage à ton travail. Ça, c'est un des plus grands moments que, je pense, un artiste peut connaître. Bon, dans l'art, il y a des choses qui m'intéressent, d'autres moins, etc. Mais je pense que ça, c'est le déclic qui va te faire changer d'état. qui va te faire passer d'un état vaporeux de l'air à un état purificateur de l'eau ou du feu, etc. Bon, appelons ça, on met des mots, mais mon air à moi, il n'est pas ton air à toi, mais peu importe. C'est qu'à un moment donné, ces états-là sont des états par lesquels tu dois passer pour te transmuter. Rappelle-toi. Oui, c'est ça. Cette transmutation dont on parlait, c'était le INRI que tu as bien noté. Imienne Renovature Integra. Ouais, mais j'ai pas encore pris le temps de tout ça. C'est pour, c'est prévu. Tu sais, j'ai noté ça ce matin. Non. Mon mois de retraite, INRI Entopan. Voilà. Mais bon, je crois que en fait, ouais. C'est, non, mais, ouais, c'est non, une chose de le vivre et c'est une autre chose que de mettre des mots dessus, tu oui, vois. Oui, mais complètement. Oui, non, mais attends. Et c'est ça que tu m'amènes à faire. Mais, enfin, c'est, pardon ? C'est ça que tu m'amènes à faire. Mais bien sûr, et c'est ça qui est intéressant. C'est faire remonter dans l'ici et maintenant cette étape mystérieuse que tu as vécue, si tu veux, dans lequel tu as fait ta propre transmutation. Tu as commencé ta transmutation. La transmutation, on parlait de la vie tout à l'heure, c'est l'histoire d'une vie, quoi. Et là, ça me donne plein d'idées et je pense que je vais te faire une proposition maintenant où on va sortir de là. On va sortir de là parce que peut-être qu'il te faut encore d'autres expériences pour revenir à ça. Mais peut-être que si tu nous parlais de d'étoiles, peut-être que si tu nous parlais de d'étoiles, donc de ton vécu, donc de toute ton expérience, donc toute ton expérience, et à partir de là, tu vas pouvoir nous parler de ta transmutation. Et c'est ça que je sens émerger, tu vois, dans notre discussion. C'est que là, tu vois, je réponds d'une façon très mentale. Et en fait, quand je te parle, je sens que je te parle tout à l'heure. Je te parlais à partir de ça. Et il y a d'autres moments là, dans la discussion, où tout d'un coup, ah, ça y est, c'est tout le vécu qui est là. Et je sens ma parole, elle est connectée à mon vécu. Voilà. Beaucoup plus que tout à l'heure quand je répondais à tes questions au début, tu vois. Voilà, voilà. Et donc, bah, je pense qu'on, si tu en es d'accord, on va partir de toi, de tes toiles. Et puis, on va arriver à on va faire grandir ta spiritualité. D'accord, hein, moi je te propose un processus initiatique, mais il y en a tellement d'autres. Mais c'est le tien. C'est, je pense que dans chacune de tes toiles, tu te donnes, tu t'offres tellement en partage que tu dois sortir de là absolument lessivé. Mais bon, ça c'est, hein, c'est vrai, ça te vide. Hein. Mais c'est toi, quoi. C'est ton esprit qui va féconder ta toile, qui va féconder ton papier. Et c'est l'encre qui va marquer de façon indélébile ces étapes-là, quoi. Consciente ou inconsciente, que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas. Et effectivement, dans la technique de l'encre de Chine, il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de voir tous ces peintres taoïstes, ils maîtrisaient tout ça. C'est une question ? Oui. Ah, d'abord, je crois que je ne connais pas assez pour vraiment répondre d'une manière certaine, mais oui, je pense que selon les critères de l'époque, et l'esthétique de l'époque, il maîtrisait. C'est-à-dire que les grands peintres, est-ce que toutes les personnes qui ont écrit sur la peinture traditionnelle chinoise et japonaise aussi d'ailleurs, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'ils allaient avant tout travailler, c'était la posture intérieure. Non, pas avant tout, parce qu'évidemment que c'est tout un... tout un art que d'arriver à hein, l'unique trait de pinceau, flof, flof, flof, flof, flof, flof, et ça y est, ça émerge. Donc il y a une technique qui est à intégrer également, mais c'est les peintres qui ont le plus, à mon sens, mis en avant et mis à l'honneur la dimension spirituelle et la question de l'esprit des choses, en fait. C'est aussi profondément ce qui existe au Japon, je crois qu'ils sont très reliés à ça. Ah, les peintres, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ce documentaire Akeji. Oh, je n'aurais pas parlé encore ça. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est cet homme-là qui vivait reclus dans la forêt. Bon, je ne vais pas forcément m'étendre, par contre, je te donnerai le lien, ou bien même je peux te prêter le DVD. Parce qu'il est, si je le retrouve, parce que ces derniers temps, je n'arrivais pas à voir où je l'ai mis. Non, ça me suffit. Oui, mais le problème, c'est qu'on le trouve, il est diffusé, il faut acheter le DVD en fait. Mais il vaut tellement le coup. C'est un couple qui est allé à la rencontre de cet homme-là avant qu'il décède, qui était considéré comme trésor national, hein, trésor national au Japon. Qui évidemment avait reçu l'initiation du thé, l'initiation du sabre et de la calligraphie et de la peinture japonaise, et qui faisait lui-même ses pigments, ses papiers, etc. Et qui, dans la nature, avec ce qu'il trouvait, faisait des œuvres assez incroyables, et qui parlait, et qui est un des œuvres et des artistes qui était encore tellement, enfin, énormément relié à cette notion-là qui est très présente apparemment au Japon, c'est-à-dire manifester l'esprit des choses. Tu vois, mais il faisait des idéogrammes, hein, complètement. Voilà. Des kanji, je crois. Ouais. Voilà, donc tu vois un peu. Oui. Alors, je trouve, moi, cette expérience d'aujourd'hui, je la trouve assez révélatrice de cette quête qu'on fait. Quel est le bon d'aller chercher à aller à l'épure pour. Être compris de l'autre, quoi, parce que c'est l'objet du podcast, quoi. Tu veux un truc abscon, bon, ça ne présente aucun intérêt. Mais aller à l'épure de toi-même, c'est-à-dire de redescendre en toi pour aller chercher la pierre cachée des sages, et de transiter, à mon sens, par tes toiles, ça peut être une bonne... à mon sens, c'est un bon plan. La seule difficulté qu'on aura, c'est que c'est pas très podcast, ça. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu entends par passer par mes toiles ? T'as fait un travail jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que dans ce travail, il y a 3 ou 4 toiles maîtresses qui sont des étapes pour toi que tu as clairement identifiées, que tu as vécu identifiées. Et dont tu peux parler, et qui vont toujours permettre de te définir et de te faire grandir, tu vois. Est-ce que ça existe dans ce que je dis? Non, je n'invente rien. Si, si, non, mais tout à fait. Il y a des œuvres qui sont des marches. Ouais. Voilà, c'est des marches. Bon. Eh bien, être capable de bien en parler, de les montrer d'abord. C'est la problématique du podcast, mais ça, on va y réfléchir. Ah, de les montrer visuellement ? Mais ça doit être jouable. Ça doit être jouable parce que j'ai fait des... Je suis en train de faire une autre expérience en ce moment que j'ai baptisée Sonorama. C'est-à-dire prendre des vieilles photos que j'ai faites avec Michaela, et de faire parler Michaela là-dessus. Michaela, elle a des problèmes de mémoire. Ça va mal se terminer, cette affaire-là. Bon. Et je cherche des moyens pour la faire parler et se souvenir. Alors, donc, je lui montre une photo, et puis j'échange avec elle, pour qu'elle, de façon spontanée, elle nous dise, voilà, cette photo, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça, c'est nous deux, etc. etc. Et donc, il y a la photo, quoi. Donc, j'ai diaporama et j'ai le son, quoi. Oui, voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est, ça doit être quelque chose de faisable, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois bien. Hein ? Oui. Bon, alors. Et même ce qui me semble possible. Ah oui, mais non, je les ai plus. Il y a la plupart des peintures, je les ai plus. La plupart des peintures. T'as des photos. Oui, oui, bien sûr. Mais je me disais. Et des photos acceptables. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Si, si, si, si, si, si, oui. Si, j'en ai même de photographes pour D'accord. la plupart. D'accord. Il y en a, bon, c'est moi qui les ai faites. Et... Mais bon, j'en ai. Et j'ai aussi des peintures encore, j'ai encore des peintures de cette période, de cette exposition au fond de la Chardière où sont nés les arbres, là. Il y en a une d'ailleurs que j'ai pris en photo là très récemment, hier d'ailleurs. Et donc ça, ce sont des œuvres aussi que je pourrais éventuellement, je sais pas, à un moment déballer et puis qu'un film se glisse dedans, quoi. Quitte à avoir un an, ou bien il n'y a que des photos. Moi, mon idée, c'est un de tes tableaux et on échange dessus. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Ah, c'est ok, toi donc vraiment. Qui parles de pas. Tes toiles, mais qui parles de tes toiles à travers toi. Ouais, et donc petit à petit, on glisse en des éléments importants. Ouais, c'est tu ça. Vois? Ouais. Tu le sens bien, ça? Ouais, Tu te sens venir? ouais. Bon. Alors, ce que je te propose, on va laisser la dernière question. Hein. Vois-tu un processus D'accord. initiatique dans ce cheminement? Si oui, peux-tu nous le décrire pas à pas? Bon, ben ça, on évitera ça pour l'instant. Mais ça empêche que peut-être... Je pourrais t'envoyer éventuellement ce que j'avais fait déjà, parce que j'ai quand même mis de la clarté dans tout ce que je t'ai envoyé. Hein, c'était... Alors, Donc voilà, ça pourra étayer un peu le propos. Oui, si tu Mais... veux. Oui, si tu as la réponse à ces questions-là, okay, que je viens de nommer, si tu as la réponse, oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui m'a été difficile, c'est que vraiment, il y a des choses qui sont, mais des réponses qui sont présentes dans différentes tous les questions. Sens, Voilà, mais c'est bien ça. sûr, mais bien sûr. Mais ça, si tu veux, cette étape-là, c'est une étape extrêmement riche pour toi. Pour l'autre, c'est trop confus. Faut que ça soit clarifié pour toi, etc. Mais cette étape-là, tu as réuni des idées, tu les as mis en vrac, tu commences à donner ouais, un ouais. peu d'ordre. Non, mais je vois qu'il y a un travail hein ouais, très mais, important. Mais voilà, mais si tu veux, et de répondre aux questions qu'on a posées, te permettront d'aborder encore plus facilement les autres étapes que l'on va avoir. Hein? Tout à fait. Alors, méthodologie. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe une œuvre, un échange? Oui. Oui. D'accord. Sachant que pour chaque œuvre, d'abord, il va falloir que je les choisisse de façon tu les bien, choisisses. Évidemment, bien spécifique. Alors, et que... Ouais. Tu pars du principe, tu vas du profane vers le sacré. C'est-à-dire, tu prends une œuvre simple et tu prends quelque chose de facilement compréhensible. Hein? N'oublie pas que pour t'écouter, eh bien, on aura le podcast, on aura une photo et la photo de ton œuvre. Et c'est ce commentaire-là qui va faire... grandir la photo, grandir l'œuvre, et toi au milieu de ton œuvre. Ouais, c'est une autre voie. Ouais. C'est une autre voie. Mais, et d'avoir, tu peux en prendre 3 ou 4, et à côté de ces 3 ou 4, à côté de chacune d'elles, tu as 2 ou 3 questions que tu aimerais évoquer. Ah oui, tu peux même prendre ça différemment. Tu prends ton travail ou quelques, hein, et ce qu'il y a de plus évocateur dans ton travail. Évocateur pour l'autre. Hein, pour bien à l'autre. Mais c'est toi à travers l'autre. Ou l'autre à travers toi, peu importe le sens que tu voudras. donné. Mais tu as. Ouais, il faut faire un petit crescendo, quoi. Il faut faire un petit crescendo et ça fera deux, trois podcasts ou quatre podcasts différents, si tu veux. Ouais, d'accord. Alors, tu les choisis dans le sens qui te convient, mais tu penses surtout à l'autre. Pas facile. Ça, Non, quand je dis pas facile, non, non, c'est c'est pas qu'il pas n'est pas facile. facile de penser à l'autre, c'est qu'il n'est pas facile de savoir qui est l'autre et qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il veut. C'est qui l'autre? Enfin, c'est quoi? C'est quel public? C'est, tu C'est vois? la rencontre que tu as avec ton public. Ça, c'est quelque chose que tu fais communément et régulièrement depuis des années. Hein? En fait, tu veux dire qu'est-ce que je veux faire passer comme message? C'est ça. Comment tu te révèles aux autres et comment tu t'expliques aux autres, comment tu leur fais vivre ta peinture. Et puis, c'est le sens que tu veux donner toi. Ce qui est intéressant, c'est toi. Comment tu veux apparaître aux yeux des autres? Quand tu organises une exposition, tu organises ton travail en fonction du lieu, en fonction de ce que tu as à dire, de ce que tu as fait, de ci, de ça. Il y a un cheminement dans tout ça. Là, c'est la même chose. Quel cheminement tu veux donner? Ouais, d'accord. C'est pas si évident que ça parce Ah, que mais j'ai pas langage dit art que c'est. plastique, le langage pictural, il a ses règles et ses codes et là, c'est complètement autre chose, tu vois. C'est toi qui es intéressante. Comment, laissons le langage pictural. Comment veux-tu te révéler à travers ton œuvre? Quel est ton message dans la spiritualité? T'en as, il est en train de se construire, Oui. mais t'en as. Quels sont les grands messages que tu as envie de faire passer. Ça peut être aussi un thème. Mais il faut que tu te reconnaisses bien hein, là-dedans. Moi, je te fais des suggestions. Oui. Ok. Ouais, bah écoute, on va prendre le temps de. Hein, Oui, de. on prend le temps. Alors On prend le temps, mais je. pas Oui. trop. Oui, c'est ça, faut que ça. Parce que Alors. plus tu auras de temps, plus tu vas. Diluer, tout ça. Oui, y a un effort à fournir, hein, de ta part comme de la mienne, hein, aussi, parce que je ne vais pas par l'opération du Saint-Esprit. Tu l'as compris, c'est pas facile. Aux pièces. Mais il faut quand Alors, même que ça soit un rythme assez soutenu, quoi. oui, le problème est celui-ci également, c'est que je suis disponible. Alors là, je pars toute la semaine prochaine, je suis assez disponible la semaine d'après, et après, je pars un mois et demi. D'accord. Où tu vas? Alors, je vais dans un premier temps voir mes parents. Mais tu les as vus la semaine dernière. Oui, mais là, c'est Noël, tout ça, tu vois. Ah oui, Donc, d'accord. effectivement, tu Oui, sais que j'y vais principalement parce qu'il y a. Enfin, non, pas principalement, je vais voir mes parents parce que je les aime, mais sinon, il y a aussi ma galerie. Et donc, j'essaye d'être présente en ce moment oui, parce tout à fait. que Très là, bien, voilà. d'accord. Ouais. Et donc, je reste là-bas un petit peu. Ensuite, il y a tout un mouvement du côté du Mans pour une petite résidence artistique de 4 jours avec d'autres amis artistiques, puis une fête de fin d'année. D'accord. Et ensuite, je pars pour un mois de résidence. Donc là, je me suis vraiment pris Bien résidence sûr. retraite. Et j'ai vraiment mis à l'ordre du jour d'aller dans D'accord. Et c'est où ces. ta résidence retraite? Alors, je vais. Pardon. Excuse-moi. Je vais à Banyuls, dans un Ah. premier temps. Chez quelqu'un que j'ai rencontré pour l'instant via un site qui s'appelle Host an Artist. donc un site de voilà, de rencontres entre les, pas de rencontres, mais de, voilà, entre des gens qui ont des lieux et puis des artistes. Donc là, j'y vais quoi, deux semaines, parce que quand je dis que je pars un mois, ça fait un peu moins d'un mois. Et ensuite, je vais dans l'Aude, c'est à une heure de là, et je vais voir des amis pour continuer à avancer là-dessus, parce que j'ai un ami qui est, que je vois très très peu, mais qui est quelqu'un qui est très avancé au niveau spirituel, je trouve, et qui a écrit des bouquins, tout ça, et qui vient d'en écrire un, et qui est aussi dans la poésie et l'écriture, et qui parle de la spiritualité. Donc on s'est parlé il y a quelques temps, et donc je me suis dit, voilà, ça va, je sens que c'est, d'accord, tu vois, que là, okay, il va se passer des choses, quoi. D'accord. Voilà, donc je suis de retour début février, et je pense que non seulement... Alors, on pourrait se revoir aussi, par exemple, pour faire un choix, que je te soumette, ouais, un choix, ouais, des encres, ouais. Ouais. Ben, dans 15 jours, dans 10 jours, là. D'accord. Quand je reviens de ouais, tout mon périple, Morlaix, tout ça. Donc, à partir du 12. Ouais. Et peut-être plutôt le 13, d'ailleurs. J'ai pas pris mon agenda, c'est malin. Je crois pas que j'ai pris mon agenda, hein. Le 13, t'es dispo ? Alors, il faut que je te confirme ça, mais je crois que oui. Alors, 13. Je note le 13, 15h, ça te va ? Oui, je te confirme ça dès que j'arrive chez moi. D'accord. Et puis après, par contre, je suis partie. Et je repasse même pas par là, et en plus, c'est vrai que je vais être prise dans des trucs un peu... Non, je repasse même pas par là, en fait, parce que mes filles vont rentrer en covoiturage. Donc après je file, quoi. J'emmène toutes mes affaires en Normandie et je redescends ensuite à Bagnols, okay, et je suis là. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que ça renvoie à début février, quoi. D'accord, ok. C'est un peu... Bon, parce que moi, après, c'est moi qui serai... Je vais me faire opérer de la cataracte des deux yeux, le machin. Ah. Ça va prendre un certain temps, cette affaire-là. D'accord. Mais au mois de février, on peut s'arrêter des dates. Dis-moi. Oui, oui. Dès février, dès que je rentre, moi, quand tu veux. Non, mais avant que tu partes, au mois de février, quand tu pars. Oui, oui, mais c'est ce que fois, je te dis. Qu'on se voit. Oui. On se voit le 13 décembre. Eh bien, c'est ce que je te dis. Dès février, dès le début de février, on peut prendre une date maintenant. Dès début février, maintenant, retenir pour début février. Ah, ouais, moi, c'est ça ce me que va je bien. Dire. D'accord, très bien. Moi, ça me va bien. Sauf que j'ai pas mon agenda, mais je pense que de toute façon j'ai rien de prévu, j'ai juste des interventions au conservatoire. Tu sais, le mieux, tu m'appelles en fin d'après-midi et puis on convient de... Alors je serai à 18h, là j'ai un rendez-vous, enfin... Mais avant. Oui, d'accord. Là dès que je rentre chez moi, je te propose une date. D'accord. D'accord. On fait ça. Et puis en plus, je serai toute... Bon, j'ai noté le 13 décembre déjà. D'accord, et ici. Très bien. Hein, ça te va ici ? Ouais, ça te... parfait. Ouais, ok, ok. Voilà. Bon, ben on a bien avancé, bien qu'on n'ait pas encore réalisé ce podcast. On non, a bien c'est avancé. Pas grave. Et c'est pas le grave, chemin, c'est quoi. Hein, parce que c'est une évidence et que ça n'est pas prêt. C'est le cheminement. C'est le ça. Chemin est plus important que le but. Mais oui, tout à fait. Et, hein? j'ai senti, tu vois, quand ça cafouillait, je me suis dit, ah. Ouais. Et puis toi, t'as dit, ah, on va arrêter. Je me suis dit, oui, on va arrêter. Bah, ah, voilà. on va. Ah, oui, oui. Et j'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde de sentir que, ah, il y avait quelque chose qui se tramait, qui de...